2035, 75% de la population humaine doit vivre sur le littoral. Alors, évidemment, jamais la menace que fait peser l'humanité sur la mangrove n'aura été aussi élevée. La mangrove, c'est un terme valise pour décrire ces forêts de palétuviers qui peuplent les rivages et qui abritent une biodiversité immense, qui par leur structure protègent ces mêmes rivages de la houle, voire des ouragans ou des tsunamis, qui sont de véritables viviers et produisent d'importantes quantités de ressources halieutiques. Bref, un système écologico-économico-socio-culturo-patrimonial très complexe que nous avons tenté de débroussailler au cours de cette émission. Mangrove, une forêt, les pieds dans l'eau, c'est donc le vaste sujet qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour aller à la découverte de cet écosystème, de ces écosystèmes complexes, nos deux invités du jour sont tous deux contributeurs et collaborateurs de ce livre « Mangrove, une forêt dans la mer » aux éditions Cherche Midi en partenariat avec le CNRS. C'est un livre que vous avez co-dirigé, François Fromard, bonjour. Bonjour, merci de votre invitation. Merci d'y avoir répondu. Vous êtes directeur de recherche émérite au CNRS et chercheur au laboratoire écologie fonctionnelle et environnement à l'université Toulouse 3. Bonjour Marie-Christine Cormier-Salet. Bonjour. Voilà, vous êtes également contributrice à ce livre et directrice de recherche en sciences sociales à l'IRD dans l'unité patrimoine locaux et gouvernance au Muséum national d'histoire naturelle. On le voit d'emblée, deux approches très complémentaires qui vont nous permettre de faire le tour avec deux points de vue bien distincts de ces questions liées à la mangrove. Vous pouvez suivre comme chaque jour cette émission sur les ondes de France Culture et en complément, vous allez voir notamment de magnifiques photos de ces écosystèmes littoraux via notre fil Twitter @laméthodefc. Eh bien, alors pour commencer, je vous propose une question assez simple. Qu'est-ce que c'est que la mangrove, François Fromard? Pour paraphraser le titre du livre dont vous venez de parler, on pourrait dire la mangrove, c'est une forêt dans la mer, mais ça serait peut-être un peu court, du moins insuffisant. Donc la mangrove, c'est une forêt, comme vous l'avez dit, on peut dire un écosystème composé de végétaux ligneux, donc d'arbres, d'arbustes, de buissons, mais aussi quelquefois de fougères, de palmiers. C'est un écosystème qui se balance, alors un terme que j'aime bien, on dit qu'il se balance dans la zone de balancement des marées, donc entre les zones de marées les plus basses et les marées les plus hautes, à la zone intertidale ou l'estran, plusieurs dénominations, mais pas n'importe où, dans la zone tropicale et intertropicale. En gros, c'est entre 30 degrés de latitude nord, 30 degrés de latitude sud, avec des petites anomalies, enfin anomalies apparentes. Voilà. Et globalement, c'est ça. Si on regarde une carte, évidemment la radio c'est un peu difficile, mais c'est la même répartition que les coraux, que les récifs coralliens par exemple. C'est une répartition intertropicale de part et d'autre de l'équateur. Voilà. Voilà, une très belle carte, page 26-27 de votre livre. Et quelques mangroves débordent sur certaines régions tempérées, chaudes. Voilà. Votre définition à vous, Marie-Christine Cormier-Salem? Parce que vous avez dit que c'est une question simple, au contraire, je veux dire que c'est une question très compliquée et qu'il ne va pas y avoir une définition, mais des définitions. Alors effectivement, une forêt dans la mer, j'insisterai sur le fait justement que ça ne s'arrête pas à la forêt, la mangrove, et que ce qui est très important, c'est de considérer que c'est un écosystème, je dirais même un socio-écosystème, construit par des populations qui y habitent, qui y vivent, qui est entre la terre et la mer. C'est un marais maritime, comme nous sommes marais salants de l'Atlantique, et donc il y a différentes éléments qui structurent ce socio-écosystème. Alors bien sûr, il y a les forêts de palétuviers, c'est ce qui fait la caractéristique. C'est l'élément structurant, c'est l'élément structurant de la mangrove. Après, mais ce qui est aussi important, et je dirais aussi important pour les populations, ce sont les vasières, ce sont les chenaux de marée, les bras de fleuve dans lesquels on circule, dans lesquels on transporte, dans lesquels on exploite énormément de produits. On va en parler. On en parlera. Ce sont aussi des pâturages. Et donc, c'est important d'avoir ce point de vue-là, qu'on est au-delà, effectivement, de la forêt, parce que, ça fait pas consensus, justement, la définition des mangroves. Et en fonction des acteurs, en fonction de la période considérée, en fonction aussi du contexte, on n'aura pas la même façon de définir la mangrove, donc on n'aura pas la même façon de la gérer et de la gouverner. Et c'est là qu'effectivement, cela fait objet de conflits de compétences et conflits d'usage. François Fromard. En fonction de la définition que l'on a de la mangrove, c'est vrai que la mangrove c'est tout un monde, c'est plus qu'une forêt de palétuviers. On aura par exemple des chiffres différents de surface globale de mangrove, il y a des dissensions, des chiffres très différents. Assez importantes, on passe quasiment du simple au double. On passe de 200 000 km² à, pour les estimations basses, 130, 131 000. Même mieux ou même moins, parce qu'il y a un article qui vient de paraître récemment, où des auteurs disent que la mangrove c'est 80 000 km². Ah oui, donc... Alors, Moi, j'ai lu cet article, j'ai été surpris. Pour eux, la mangrove, ce sont des arbres. Par exemple, ils ont une forêt de mangrove qui fait 500 hectares. Si le recouvrement des arbres est de 50%, on va dire, ben, c'est 250 hectares. C'est un autre point de vue. C'est un point de vue qui est quelqu'un qui se place du point de vue, par exemple, du stock de carbone ou de la mangrove arborée. Mais pour moi, la mangrove a une définition beaucoup plus large. Je suis plus proche de la définition que vient de donner Marie-Christine. C'est un socio-écosystème avec des palétuviers, des animaux, des crabes, des poissons, des gens qui y travaillent, qui y vivent, etc. L'ONF donne cette définition, écosystème qui se développe le long des côtes protégées des zones tropicales ou subtropicales. Elle pousse dans un milieu à dépôt salin préservant diverses formes de sols anaérobies. Elle accueille une flore peu diversifiée mais une faune très riche. Est-ce qu'on pourrait trouver une sorte de milieu, de convention autour de cette définition de l'ONF, selon vous ? Bon, je pense qu'il y a effectivement, on en reviendra, il y a des conditions optimales pour que les mangroves colonisent, hein, enfin, les forêts. Je pense qu'il faut distinguer. En anglais, il y a deux termes. Il y a mangrove et mangle. Et donc, en fait, le gros problème en France, c'est qu'on a un seul terme qui désigne à la fois la forêt de palétuviers, stricto sensu, et puis ce socio-écosystème entre terre et mer, marais maritimes. Et donc, effectivement... mangle en anglais. Hein. Oui, donc voilà, c'est déjà une difficulté. Après, effectivement, c'est très difficile de savoir quand est-ce que la mangrove s'arrête, quand est-ce qu'elle se finit. Parce qu'elle, justement, elle n'arrête pas de bouger. Oui, aussi, c'est relativement instable selon les régions, selon les types. Et donc, de en fait, il y a une dynamique très importante de la mangrove. Quand on dit aussi que la mangrove est fragile, je conteste cette définition. Je dirais, au contraire, elle est robuste. Elle est dynamique, on va dire. Elle est très dynamique. Voilà. Donc, en Guyane, le long de la littorale de Guyane, c'est extraordinaire de voir. Il y a on parle de respiration de la mangrove et je trouve que c'est très bien vu, cette respiration de la mangrove. Donc, alors, j'insisterai effectivement sur ce problème de définition et vous dites, bon, on met souvent en avant effectivement la forêt de palétuviers et le fait que parmi les services que procure, qui sont associés à la mangrove, on insiste notamment sur le fait, actuellement dans le cadre du changement climatique, que c'est un excellent puits de séquestration de carbone. Donc, je laisserai peut-être François Fromard dire en quoi c'est un bon puits de séquestration de carbone. On y reviendra tout à l'heure, si vous le souhaitez. On y reviendra tout à l'heure pour essayer de juste terminer sur cette partie un peu de définition pour qu'on comprenne effectivement bien. Je crois que vous avez effectivement le tour. Hein. On peut parler de cet espace intertidal, donc entre marée haute et marée basse, qui permet de distinguer, parce que souvent, évidemment, la mangrove continue sur de la forêt tropicale, donc ça explique une partie sur la forêt marécageuse, voilà, qui ne sont pas, où les écosystèmes, on va le voir, changent, et c'est ce qui va faire la différence. On peut, dans cette définition de l'ONF, il y a aussi cette notion de salinité qui est très importante. Une chose peut-être aussi tout de même importante à noter, c'est la répartition géographique, parce qu'en fait, il y a deux grandes zones distinctes qui ne communiquent plus du tout entre elles, François Fromard. Ça, c'est important, c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident, que les gens ne connaissent pas forcément. On dit qu'il y a deux grandes aires biogéographiques dans la mangrove. Hein. Globalement, une aire orientale, c'est la région Indo-Pacifique, Asie, Australie, etc. Jusqu'à la côte est-africaine, y compris Madagascar, etc. Et l'autre zone, c'est le pourtour atlantique et la côte pacifique américaine, nord et sud-américaine. Et entre ces deux aires, alors, il y a un niveau de diversité des palétuviers qui est extrêmement différent. On peut dire que l'air oriental est riche. Alors riche, c'est relatif hein, par rapport à la forêt dense humide. On trouve jusqu'à une quarantaine d'espèces différentes. Une quarantaine, cinquantaine d'espèces différentes dans l'air oriental. Et dans l'air occidental, on a 10. Quand on a 10 espèces, on est content. Et surtout, il n'y a aucune espèce commune entre ces deux aires. Il y a des familles communes, il y a des genres communs. Il n'y a aucune espèce commune. Donc ça questionne sur l'origine, sur les problèmes de spéciation, de migration. Pourquoi aujourd'hui il n'y a pas de contact entre ces deux grandes aires? C'est intéressant. C'est un point intéressant à discuter. Marie-Christine Cormier-Selem. Et par exemple, le Nipa Palm est quelquefois considéré comme parmi les forêts, enfin comme une mangrove. Oui, palmier, Nipa. Alors que c'est un palmier que strict. De point de vue strict, ce n'est pas un palétuvier. D'où aussi ce problème de définition et de délimitation de la mangrove en fonction, effectivement, de ce qu'on considère comme des palétuviers stricto sensu ou les espèces qui sont associées aux palétuviers. On va revenir dans quelques petites secondes hein, sur ces questions de palétuviers qui sont effectivement l'arbre représentatif immédiatement emblématique de la mangrove. On va voir que là aussi, palétuvier, c'est un mot valise qui n'a aucune réalité taxonomique à proprement parler. Peut-être un dernier mot pour conclure sur cette partie de définition. J'ai lu, alors j'aimerais que vous m'apportiez votre éclairage à ce propos, que c'est, on parle des 14 biomes terrestres, la mangrove fait partie de ces 14 grands biomes, c'est-à-dire d'écosystèmes au sens très très large du terme. On dit que c'est l'un des biomes les plus productifs en biomasse de la planète, François Fromard ? Oui, c'est exact, un productif en termes de production de matière organique. Et on peut développer ça en termes de stock de carbone, hein, parce que on revient à cette notion de palétuvier. Les palétuviers sont des arbres qui ont une croissance rapide, qui stockent des quantités de carbone et de matière organique importantes, qui ont une efficacité photosynthétique importante, c'est l'absorption du gaz carbonique, etc. C'est important du point de vue une productivité et, aérienne, hein, tout ce qui se passe dans la partie visible, disons. Ce qui est important, c'est ce qui se passe aussi sous les sédiments, sur lesquels on a, somme toute, peu d'informations, et qui est aussi importante, sinon plus importante que ce qui se passe dans la partie aérienne. La boue, la vase, voilà, oui, tout à fait. Il y a effectivement ce facteur très important de tous ces animaux. On parle aussi de le rôle aussi de certaines espèces comme les crabes, et toute l'importance effectivement que joue un certain nombre d'animaux pour convertir en fait toute cette masse végétale en débris. Et donc le sol est très important. Eh bien, ce sont les deux thèmes que nous allons aborder dans les minutes qui viennent. D'abord plutôt végétal, ensuite plutôt animal. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h10 sur France Culture, nous parlons de la mangrove tout au long de cette heure en compagnie de François Fromard et Marie-Christine Cormier-Salem qui ont toutes deux contribué à cet ouvrage collectif Mangrove, une forêt dans la mer aux éditions du Cherche Midi. Parlons donc de ce fameux palétuvier, cet arbre avec les racines apparentes que l'on utilise pour représenter, qui est l'arbre évidemment emblématique de cette mangrove. Mais comme je le disais à l'instant, François Fromard, palétuvier, ça ne correspond à aucun taxon. Oui, c'est ça. Les palétuviers sont les arbres adaptés qui se développe en mangrove. Et la mangrove est constituée de palétuviers. Donc là, on tourne un petit peu en rond. Effectivement, les palétuviers, ce sont des espèces d'arbres, des familles, des genres qui, au fil de l'évolution, sont adaptés aux conditions extrêmement contraignantes de la mangrove. La mangrove, c'est la zone de balancement des marées. Tantôt on est sous l'eau, tantôt on est hors eau. Il y a une salinité très variable, qui peut être relativement importante. Il y a des sols qui sont instables, des sols vaseux. Donc les végétaux doivent s'adapter pour se développer dans ce milieu où les forçages environnementaux naturels sont très forts. Donc il y a un certain nombre d'espèces qui ont convergé, qui ont eu des adaptations convergentes pour en termes d'évolution. En termes d'évolution. Et donc ce sont des familles, des genres différents et qui sont relativement peu nombreux en fait. Alors quelles sont-elles justement ces familles? Parce que quand on passe au palétuvier, est-ce qu'il y a une espèce emblématique qui est vraiment celle-là? La grande famille à laquelle on pense, c'est le terme français, le terme générique, c'est le palétuvier rouge, qui globalement c'est la famille des rhizophoracées, celui qui fait, on a tous peut-être cette représentation en tête, qui fait des racines échasses, des espèces d'arc-boutants qui donnent une allure assez particulière à ces arbres. On a l'impression que ces arbres ont avancé dans la mer parce qu'effectivement les racines se développent et donnent naissance à de nouveaux troncs, etc. On a l'impression que la mangrove avance sur la mer. Et donc, c'est l'espèce emblématique de la mangrove. Et d'ailleurs, c'est un genre qu'on retrouve dans les deux grandes aires de la mangrove, l'aire orientale et l'aire occidentale, avec des espèces différentes. Avec des espèces différentes. Voilà. Après, il y a d'autres familles, d'autres genres. Sur lesquels les avicéniers. Les avicénia, voilà, la famille des acanthacées, globalement. Alors, ceux-là, ils ont des racines particulières. Au lieu d'avoir des racines qui poussent de haut en bas, elles poussent de bas en haut et hors du sédiment. C'est particulier, c'est des espèces de petits... de petits tubas là, qui sortent du sédiment et qui ont une fonction de respiration. Quand les alternances de marée haute et de marée basse, ça permet aux racines d'emmagasiner globalement des bulles d'air dans ces racines et d'assurer la continuité des échanges gazeux de ces arbres lorsque l'on est en situation de marée haute. Mais alors justement, quel est finalement le point commun de ces espèces? Parce qu'on parle, pour avoir fait pas mal d'émissions ici autour des notions de biodiversité, de pression, de sélection évolutive, etc. Pour la végétation, on est dans un milieu très hostile. On est sur un milieu avec une très très forte salinité, sur une salinité d'eau de mer qui est évidemment assez élevée. On est des milieux très anaérobies, puisque vous parliez de vases, donc des milieux où il y a très peu d'oxygène. Quel est le point commun, quel est le point de convergence évolutive entre toutes ces espèces qu'on appelle palétuviers? Mais c'est justement les systèmes adaptatifs, notamment vous parliez de salinité, effectivement, les plantes n'aiment pas le sel. Et le sel n'est... Et ce qu'il faut savoir, c'est que les palétuviers se développent dans les zones salées de mangrove. Ce n'est pas parce qu'ils utilisent le sel dans leur métabolisme, mais c'est parce qu'ils savent l'éviter, ils savent se protéger de ces excès de salinité. Comment? Alors, il y a deux grands systèmes. Il y a justement les rhizophoracées, notamment le rhizophora. Lui, il bloque le sel au niveau racinaire. Il y a des systèmes de membrane active au niveau racinaire. Dipose active classique. Voilà. Et ce qui fait que l'eau, la sève brute et qui va monter dans la plante, est très peu chargée en sel. Le sel, globalement, reste à l'extérieur de la plante. Les avicennia, au contraire, le sel va pénétrer dans la sève brute et va circuler dans la plante et va être excrété au niveau foliaire, au niveau des feuilles, par des glandes excrétrices de sel. Et on peut voir sur ces feuilles d'avicennia souvent des petits cristaux de sel. Alors, ce ne sont pas les embruns qui se déposent sur les feuilles, mais c'est le sel qui a été rejeté par la plante et qui est excrété à ce niveau-là. Et quand il y a excès de sel, après, sur certaines espèces, les feuilles tombent quand le sel est en excédent, etc. Ouais, c'est les deux, comme purge, en quelque sorte. Voilà, c'est les deux grands systèmes d'adaptation. Donc, vous voyez que ce qui est important à avoir en tête, c'est que le sel n'est pas utilisé par la plante, mais la plante sait se défendre contre ces éléments minéraux qui ne lui sont pas utiles, qui ne sont pas utiles à son métabolisme. On parle de plantes allophiles ou allorésistantes, c'est-à-dire ? Oui, allophiles. Ben, allorésistantes résistent au sel, allophiles qui aiment le sel. Bon, c'est les deux variétés. L'autre élément, c'est justement le milieu très très anaérobie sur lequel elles poussent. C'est des sables baseux, donc avec très peu d'oxygène. Quelles sont les stratégies qu'ont trouvé ces palétuviers pour ne pas moisir et ne pas prendre sur place ? Ça se situe essentiellement au niveau racinaire. Alors les palétuviers, les racines aériennes, mais aussi la base des troncs ou les pneumatophores, ont ce qu'on appelle un système de lenticelles à la surface de l'écorce, à la surface de ces structures. Lenticelles qui communiquent avec des parenchymes, des aérenchymes, c'est-à-dire lenticelles sont des ouvertures, des pores qui permettent de faire communiquer l'atmosphère avec l'intérieur de la plante globalement, qui sont reliées à des aérenchymes, ce sont des tissus dans lesquels avec des lacunes importantes dans lesquelles l'oxygène ou des bulles d'air vont pouvoir être stockées. Et à marée haute, ces lenticelles vont se refermer et donc cet oxygène, ces bulles d'air vont continuer à assurer les échanges gazeux avec la plante et donc vont pouvoir résister à cette période transitoire d'anaérobie qui dure ce que dure une marée haute. Et puis on va voir aussi que dans ces systèmes, il y a des systèmes de symbiose avec des espèces animales qui vont permettre justement de remuer la vase, notamment les crabes. Alors le phénomène de bioturbation, les crabes qui vont creuser, et d'autres animaux qui font partie de la méiofaune, des animaux plus petits, qui vont creuser des terriers, effectivement, aérer le sédiment et permettre des échanges importants entre l'air, l'eau et le sédiment et les systèmes racinaires, etc. Donc ça, c'est un point important. On vient de parler, on va pas rentrer dans le détail de toutes les espèces, mais on va essayer de vous trouver quelques graphiques justement pour expliquer ces mécanismes que vient de décrire François Fromard d'oxygénation de ces sols anaérobies et de systèmes osmotiques pour la désalinisation de l'eau de mer. Mais peut-être un mot parce qu'il n'y a pas que les palétuviers dans la mangrove. Il y a d'autres espèces végétales, même s'il n'y en a pas énormément, Des palétuviers, mais il y a également des fougères. Il y a la grande fougère, la fougère dorée, la Crossicum aureum, pour donner son nom latin. D'ailleurs, je disais tout à l'heure qu'il n'y avait aucune espèce commune entre les deux grandes aires de mangrove. Cette fougère est une exception. C'est pas un palétuvier, mais elle est associée à la mangrove. Dans la Bible des botanistes de mangrove, le bouquin de Tomlinson, The Botany of Mangrove, il la considère comme espèce associée ou espèce. C'est une espèce importante des mangroves qu'on trouve dans l'ensemble des mangroves du monde. Ce n'est pas un palétuvier, c'est une fougère. Il y a aussi le palmier nipa, dont on parlait tout à l'heure. Il y a aussi des plantes grimpantes, il y a aussi des plantes épiphytes dans les vieilles mangroves, des orchidées ou autres, des philodendrons qui grimpent aux arbres dans les vieilles mangroves, etc. Donc il y a des palétuviers, mais il y a d'autres végétaux qui complexifient un peu cette structure, d'apparence un peu, peut-être qu'on peut trouver un petit peu simple. Voilà. Un mot peut-être, Marie-Christine Cormier-Salem, sur cette relative uniformité végétale de la mangrove. C'est effectivement, on va voir que c'est beaucoup plus complexe quand on ajoute la faune à l'intérieur, mais en termes de végétation, on est effectivement sur un système beaucoup moins complexe, par exemple, que la forêt tropicale. Oui, mais je dirais que les premiers explorateurs qui découvrent la mangrove sont assez perplexes par rapport à ce qu'on disait, cette forêt dans la mer. Et je pense qu'ils ne sont pas tellement frappés par l'uniformité de cette végétation, mais plutôt pour son caractère extrêmement de ses racines. Enfin, il faut voir les images qu'on a, racines cathédrales, et les descriptions qu'on a, les premières descriptions qu'on a de ce milieu fascinant qui est impénétrable, inextricable, et qui est dangereux, malsain. Enfin, qui est très très très nauséabond. C'est les marées putrides. Notamment à cause du cycle de l'azote dont on va reparler. Exactement. Alors c'est vraiment par excellence effectivement des milieux alors malsains, peuplés de bêtes sauvages. Ça évoque aussi ce qu'on dit de tous les marais, et puis le terme malaria qui est mauvais air, qui a donné aussi le paludisme. Il y a une filiation entre tous ces termes. Effectivement, les occidentaux, quand ils abordent et qu'ils découvrent ce milieu, sont à la fois fascinés, mais surtout extrêmement prévenus contre ce milieu qu'ils disent hostile. Et ce qu'ils n'auront de cesse, en fait, d'essayer de maîtriser ce milieu, de le convertir. je dirais au sens propre et au sens figuré, parce que non seulement ils veulent convertir la terre en faire de bons pays productifs, à l'image de nos plaines de Beauce, mais ils veulent aussi convertir les hommes qui habitent ces milieux, parce que forcément les hommes qui habitent ces milieux aussi nauséabonds, malsains, ne peuvent être que des populations, soit qui ont été obligées d'habiter ces milieux, soit s'ils sont dans ces milieux, c'est qu'ils sont sauvages, rebelles et eux-mêmes, et effectivement, il faut les convertir à la civilisation. Un mot, François Fromart, sur parce qu'on a oublié d'en parler, on reparlera tout à l'heure des cycles du carbone, mais un mot justement aussi, puisqu'on parlait de la captation des sels, des nutriments pour la croissance, de l'azote, comment est-ce que dans un milieu aussi hostile, aussi salinisé, ces palétudiers réussissent à amener leur contribution à ce cycle de l'azote qui est un site assez complexe et assez différemment complexe des plantes traditionnelles. Oui, il y a aussi un compartiment dont on n'a pas parlé, sur lequel on sait peu de choses encore, c'est les communautés microbiennes associées aux palétudiers, dans les communautés microbiennes qui participent, qui ont un rôle essentiel, majeur dans le cycle de l'azote. Et donc ça, effectivement, avec les phases anaérobie, les phases d'oxydoréduction, les phases exondation, inondation par les eaux, etc., on passe par une... Là, au point de vue fonction... Alors, si la mangrove est relativement simple du point de vue de sa structure globale, sa structure première, quand on rentre dans la partie fonctionnelle, là on rentre dans un modèle beaucoup plus complexe et sur lequel on a encore un certain nombre d'inconnus, et notamment les communautés microbiennes. On commence à les découvrir. Hein. On a travaillé sur ces questions-là à Mayotte, aussi en Guyane, etc. Et on se rend compte que les processus de nitrification, dénitrification, que la mangrove a un pouvoir de dénitrification potentiel important, qu'il y a des processus dits d'anamox, qui c'est un cycle particulier, une phase particulière du cycle de l'azote qui est souvent important en mangrove, qu'on utilise d'ailleurs dans certaines expérimentations pour dépolluer des eaux usées domestiques chargées en azote. Donc c'est à la fois un compartiment, un peu une boîte noire encore, hein, de cet écosystème mangrove, mais qu'on commence à s'y intéresser et à l'utiliser dans le terme de, pour son aspect fonctionnel et en termes aussi de services, on en reviendra tout à l'heure, de services écologiques rendus par la mangrove, avec les problèmes de pollution de mangrove perturbés, etc. On va y revenir évidemment tout à l'heure, mais avant cela, on va parler de l'autre partie de ces écosystèmes qui sont autrement plus complexes et en tout cas plus diversifiés que la seule partie végétale. Et le plus simple, bien pour observer le fonctionnement d'une mangrove quand on est à Paris, ce n'est pas d'aller en Guyane, puisque voilà, ça coûterait très cher au sous du service public, c'est un peu trop loin. Bonjour Céline Lezenne. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Pas de bol, donc pas de reportage en Guyane, non, vous avez choisi une option. Voilà, plus économique, vous êtes allé à l'aquarium de Paris parce que, bien, si la mangrove n'est pas très diverse dans sa flore, elle l'est, comme je le disais, dans sa faune. Oui, puisqu'on peut voir à l'aquarium tropical de la Porte Dorée un aperçu du bestiaire qui peuple une mangrove. J'ai retrouvé là-bas Dominique Duché, le directeur, qui m'a présenté un véritable écosystème avec différentes espèces de poissons et d'invertébrés. Et le défi, ça a surtout porté sur l'aménagement du milieu en respectant les conditions environnementales d'origine. Et le résultat est tellement réaliste que certains chercheurs viennent ici faire de la recherche scientifique. Nous, aujourd'hui, on s'intéresse clairement à la protection de l'environnement. On ne présente pas une collection de poissons, on présente des écosystèmes. Donc c'est pour ça qu'en fait, ici, vous voyez dans l'aquarium, au-dessus des différentes séries de bassins, eh bien, on indique la zone. Et là, typiquement, on a la zone mangrove. On va s'approcher un petit peu du bac. Ici, évidemment, on est à Paris, c'est un petit peu difficile de présenter la partie, végétale. Ouais. Voilà, avec tout les à palétuviers. Fait. Voilà, absolument. Là, le palétuvier, c'est l'image de la mangrove. Mais rien que déjà, très simplement, avec deux espèces, vous allez pouvoir identifier la zone dans laquelle vous êtes dans la mangrove, la zone qui est un petit peu plus près du maritime, donc avec beaucoup plus de sel, et puis la zone dans laquelle vous allez être côté continent, donc la zone continentale avec beaucoup moins de sel, voire de l'eau douce. Et vous avez un étagement qui se fait de la végétation entre des palétuviers de type Avicennia qui indiquent clairement quand vous y êtes, vous savez que là, vous allez mettre le doigt, ça va être salé. Et puis le palétuvier plus classique, celui que l'on connaît, qui lui va indiquer, on est en eau douce, vous trempez le doigt dans l'eau et c'est de l'eau douce. Donc rien que déjà à l'œil, ce sont des indicateurs, des bio-indicateurs absolument fantastiques de l'état de cette mangrove, côté marin, côté eau douce. C'est une zone où il y a tous ces enchevêtrements de racines qui va constituer une protection naturelle, notamment pour les poissons qui vont venir se reproduire dedans. Donc on a des animaux qui viennent pondre, les jeunes vont se protéger le temps d'avoir suffisamment de force pour pouvoir repartir dans leur milieu d'accueil qui va être le côté marin ou le côté eau douce. Et puis, vous avez aussi ces espèces très particulières qui ont la capacité de s'adapter à des milieux qui changent de salinité. La majorité sont adaptées à l'eau de mer ou la majorité sont adaptées à l'eau douce. Et puis, il y a quelques espèces qui vont avoir cette capacité, notamment de pouvoir supporter du sel ou ne pas en avoir. Donc ça, au niveau métabolisme du poisson, c'est évidemment très important et c'est la branchie qui va réguler cette quantité de sel ou pas dans le milieu, finalement dans le sang. Et donc, on a toutes ces espèces. Et nous, ici, c'est un petit peu ce qui nous intéresse de montrer avec des espèces qui sont typiquement des espèces adaptées à ces eaux. Donc marine douce, qu'on appelle des eaux saumâtres. Par exemple, on a quoi là, les bassins devant nous ? Ici, on a une espèce qui est un petit peu en plus sympathique, c'est les toxotes. C'est ces petits poissons qu'on appelle aussi poissons archers dans notre langage de tous les jours, avec ces petites rayures, et qui ont une particularité. Vous voyez, sur le vert, sur le carreau, la zone en dessous et au-dessus du niveau de l'eau, toute cette petite trace, c'est le poisson qui va chasser, et pour chasser, il crache. C'est-à-dire qu'il va prendre de l'eau dans sa bouche, et il va viser une mouche, il va viser un moustique, il va viser un insecte. Et en général, c'est 99,99% de réussite. Tac, la goutte d'eau arrive sur l'insecte, l'insecte est déséquilibré, il tombe à la surface, il le mange. C'est-à-dire que dans les bassins, il y a des insectes aussi qu'on a introduits. En fait, on met sur les petits troncs d'arbres qui représentent finalement les bois morts, les bois flottés que l'on trouve dans la mangrove, des petits vers, et alors ça marche du tonnerre. Alors après, on a ces petits poissons avec des petits points là, c'est magnifique, on dirait des petits poissons léopards, ça s'appelle pavillon tacheté, c'est des scatophages. Alors ça veut bien dire ce que ça veut dire, donc c'est des poissons qui vont plutôt s'intéresser et qui vont aller chercher des débris. Et puis à côté, on a ces poissons lune africains qui sont vraiment typiquement adaptés à ces eaux saumâtres. Et ces différentes espèces qui se côtoient sont dans une bonne relation harmonieuse comme on peut retrouver dans notre aquarium. On va avoir tendance à mettre en place des animaux qui, eux, coexistent, bien évidemment. Mais il faut voir que cette mangrove, c'est évidemment un reflet de ce qui se passe dans le milieu naturel. Il y a des proies, il y a des prédateurs. Il n'est pas rare que dans des mangroves tropicales va s'aventurer un petit requin pointe noire et donc ainsi va se réguler la population dans le milieu naturel. J'avais une question sur les espèces que vous abritez ici. Elles proviennent directement des mangroves ou elles ont été élevées ? Alors, on a la chance effectivement dans les poissons d'eau douce de maîtriser la reproduction de ces poissons-là. Donc en fait, c'est des poissons qui sont élevés. Ça demande un petit peu de savoir-faire que de maintenir ces animaux dans un milieu saumâtre. Donc il faut jouer sur les paramètres physiques et chimiques, bien sûr, parce que l'eau, c'est aussi un équilibre chimique. En fait, tout est équilibre. C'est bien ça le problème, c'est que nous avons tendance à déséquilibrer tout ça. Vous faites d'ailleurs des expériences, alors, ou des études ? On n'est pas un institut de recherche à proprement parler. Par contre, on va travailler en commun avec des chercheurs pour des études très ponctuelles, très spécifiques. On va offrir du matériel d'observation à tous les chercheurs qui le veulent. On travaille notamment effectivement avec les gens de l'IRD, avec les gens du Muséum d'Histoire Naturelle. Donc on est ouvert au monde scientifique, c'est d'ailleurs une de nos missions. On essaye d'être le plus proche de ce qui se passe dans le milieu naturel. Sauf qu'ici on ne peut pas reproduire les menaces qui pèsent réellement sur les mangroves comme l'exploitation pour faire des bacs à crevettes ou bien la pollution des eaux. Absolument, donc là ici nous au contraire, notre mission c'est la conservation, donc on ne va pas effectivement aller dans cette zone-là, mais ici nous on va offrir ce qu'est le comportement le plus naturel possible. Il y a un biais bien évidemment, je ne cache pas qu'on est entre quatre murs, même si là vous voyez, on pourrait vraiment s'y croire. Sur la base de ce point zéro entre guillemets, les chercheurs vont pouvoir mettre en situation de difficulté, donc acidification des océans, réchauffement de l'eau, évidemment des menaces chimiques, des exploitations minières, etc. Et puis cette mangrove, c'est aussi un élément très important pour l'homme. C'est une protection naturelle de l'érosion qui est en train de se faire sur l'ensemble de la Terre. Donc préserver la mangrove, c'est aussi préserver quelque part nos habitats, mais tout ça doit être géré de façon absolument durable pour cette exploitation. Voilà le reportage du jour, non pas à l'aquarium de Paris, mais à l'aquarium tropical de la Porte Dorée, ce qui n'est pas tout à fait le même endroit, pour aller observer cette mangrove et la partie plus animale que végétale, mais un peu des deux évidemment. Une réaction, est-ce que vous venez d'entendre l'un et l'autre, François Romain ? Oui, c'est une description assez réaliste de ce qui se passe en mangrove, et c'est effectivement important de bien noter que dans le mangrove, ce ne sont pas que des arbres, ce sont aussi un compartiment faune extrêmement riche en individus, riche en espèces, Pas tant que ça. Pas tant que ça. Comme pour les palétuviers, l'aire orientale des mangroves est plus riche en espèces, en faune associée aux sédiments. Elle est plus riche également en poissons que l'aire occidentale. Mais effectivement, il y a des groupes faunistiques importants. Alors, au premier rang desquels, on pourrait citer les crabes. Je ne sais plus si notre interlocuteur en a parlé. Les crabes, sont les organismes un peu emblématiques, animaux emblématiques de la mangrove, par leur présence et par leur rôle fonctionnel et par le fait qu'ils modifient le milieu, qu'ils ont une action vraiment importante sur la structuration du milieu, sa diversité, la zonation des palétuviers, etc. Les crabes interviennent à différents niveaux pour structurer ce milieu. On parle d'espèces architectes, Marie-Christine Cormier. Si je peux réagir par rapport à... C'est vrai que tu as beaucoup insisté, c'est très bien, sur la faune aquatique, et donc on aurait pu citer aussi les gros yeux, qui sont ces périophtales, qui sont assez emblématiques de la mangrove. Le périophtale, on va vous mettre une photo, des images. Non, mais ce qui est sidérant, c'est que quand on voit ces espèces-là, on a l'impression de faire un bond dans l'histoire, et de voir une espèce archaïque qui est vraiment le passage du poisson à l'animal terrestre. C'est vraiment l'étape, le chaînon manquant entre les batraciens et le poisson, quoi. Saute sur la base, qui respire. Très intéressant. Il y a quand même des animaux emblématiques dans notre bestiaire remarquable, comme le tigre du Bengale ou le caïman de Guyane. Et puis moi, j'insisterai beaucoup aussi sur toute la faune, la vifaune, les oiseaux, puisque les mangroves ont commencé notamment à être protégées parce qu'elles servaient de refuge pour les oiseaux migrateurs. Et donc ça, c'est très important. Et notamment, je me réfère à la Convention internationale Ramsar qui a été signée en 1971. Et je pense qu'il a été le moment, on parlait tout à l'heure justement de cette perception très négative des mangroves, qu'il fallait absolument convertir, en faire des plantations de canne à sucre, de faire des rizières, etc. Là, il y a un changement, d'avoir une prise de conscience de l'importance des mangroves, de leurs multiples fonctions, rôles. Maintenant, on parlera de services écosystémiques. On va y venir et cette prise de conscience qui se traduit notamment avec aussi une montée des ONG qui militent, qui font un plaidoyer pour protéger les mangroves qui sont fortement menacées. Bon, on y reviendra. Et donc, je pense qu'il y a vraiment à partir de ces années-là, donc 1971, convention Ramsar, c'est la convention, c'est les zones humides d'importance internationale. Derrière cette convention, il y a quand même les chasseurs de gibier d'eau du Nord, des pays du Nord, qui veulent préserver aussi, effectivement, ces zones refuges qui sont dans le Sud, où il y a des mangroves. Donc voilà, avifaune très importante. Peut-être que vous avez tous en mémoire les photos d'Artus Bertrand, de ce vol d'ibis rouge sur les mangroves. Voilà. C'est une espèce emblématique en Guyane, notamment. De la mettre également sur le fil Twitter de l'émission. On va revenir dans un instant. Il y en a effectivement, très belles dans le bouquin. On va revenir un instant encore un peu sur cette question de la faune, parce qu'il va falloir parler des crevettes et du rôle un peu duplice pour le moins que les crevettes jouent leur fait jouer sur les mangroves. Et puis on va parler plus généralement de nos interactions et des interactions entre la mangrove et l'être humain. C'était une histoire compliquée pour les colons qui la découvraient. Vous allez voir que c'est une histoire qui est encore compliquée aujourd'hui. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Mangrove des Balafonix, puisque nous parlons de la mangrove et que c'est le thème de notre émission aujourd'hui à 16h35 sur France Culture. Nous en parlons avec deux personnes qui ont collaboré à ce livre Mangrove, une forêt dans la mer aux éditions du Cherche Midi avec le CNRS. François Fromard, co-directeur de l'ouvrage, directeur de recherche émérite au CNRS et chercheur au laboratoire écologie fonctionnelle et environnement à l'université Toulouse 3. Et Marie-Christine Cormier-Salem, qui est directrice de recherche en sciences sociales à l'IRD et de l'unité patrimoine locaux et gouvernance au Muséum National d'Histoire Naturelle. Pour rester encore un peu dans cette flore, parce que et commencer à empiéter hein, sur les interactions entre la mangrove et l'homme, se pose la question donc de ces crevettes qui sont un peu à la fois finalement la panacée et l'ennemi majeur de ces mangroves en quelque sorte. Oui, François Fromard. Pas vraiment la crevette qui est l'ennemi majeur, mais c'est disons le rôle qu'on lui fait jouer. Voilà. Ou l'exploitation qu'on en fait à grande échelle. Alors naturellement, dans les mangroves, il y a des larves de crevettes, hein, parce que la mangrove, c'est une zone de nurserie, de nourrisserie pour un certain nombre d'espèces marines côtières, dont des crustacés, dont des crevettes, dont des poissons. Mais c'est vrai qu'on parle beaucoup, quand on parle de mangroves, on pense au recul des mangroves, et quand on dit recul des mangroves, on pense à la creveticulture, le développement des bassins de creveticulture. C'est presque une industrie maintenant qui s'est développée beaucoup dans les pays du sud-est asiatique, au Vietnam, en Indonésie, mais aussi au Guatemala, par exemple, aussi dans une moindre mesure à Madagascar. Et on pratique cette façon, dans les mangroves, on déboise, on défriche des zones assez importantes de mangroves, on y crée des bassins, hein, qu'on met en communication avec la mer, avec des systèmes de vannes, de digues, etc. Et puis on y fait venir ou naturellement des larves de crevettes, ou on en apporte, et puis on élève ces crevettes, évidemment. Et ce système de creveticulture marche assez bien pendant un an, deux ans, trois ans, quatre ans, puis après les rendements baissent, problème de parasitisme, d'acidification des eaux, etc. Donc on abandonne ces bassins et on en recrée d'autres plus en arrière de la mangrove, et ainsi de suite la mangrove devient ou disparaît et mitée par ces bassins qui se développent de loin en loin et de proche en proche. Donc dans certaines régions du monde, comme dans le delta du Mékong au Vietnam par exemple, à une époque il n'y avait quasiment plus de mangroves naturelles, les mangroves étaient remplacées ou par des plantations de palétuviers, on pourra en parler, ou par des bassins de crevettes. En Indonésie c'est pareil, il n'y a quasiment plus de mangroves dans certaines régions, soit à Bornéo ou ailleurs, et les mangroves ont reculé devant le développement de la creveticulture. Donc c'est effectivement un problème majeur pour la gestion de ces mangroves et pour leur maintien et pour leur protection. Marie-Christine Corbis-Salem sur cette, oui, bon, ce péril de la creveticulture qui est réel et qui a montré vraiment un recul. Hein, oui, qui existe. Alors effectivement, très peu en Afrique, hein, c'était, il faut souligner. Oui. En revanche, beaucoup en Asie du Sud-Est et en Amérique latine. C'est important parce que souvent, on parle beaucoup aussi d'une mer sans poissons et donc la solution serait de développer l'aquaculture. Et je pense que là, on a un exemple évident que, mais non, c'est pas la solution, l'aquaculture, parce qu'il y a une perte d'habitat et notamment la cause majeure, effectivement, du recul accéléré des mangroves dans les années entre les années 60 et 80, c'est effectivement le développement spectaculaire de ces fermes à crevettes avec une exploitation intensive, monoproduction, donc pas et avec introduction souvent d'espèces, donc tout le problème aussi d'introduction d'espèces avec les problèmes de pesticides. Alors je pense que il y a eu une prise de conscience au niveau international au moment du tsunami de 2004, décembre 2004, parce qu'effectivement ça touche particulièrement les pays d'Asie, ce tsunami touchait les pays d'Asie. On a beaucoup fustigé à la fois les complexes aussi hôteliers qui avait effectivement détruit la mangrove, oui, et puis avancé sur le littoral. Et voilà. L'argument qui était avancé en disant bon, on a effectivement défriché, on a converti ces forêts en bassins à crevettes ou en complexes hôteliers ou en port, hein, parce qu'il y a beaucoup effectivement il y a le gigantisme industriel au portuaire des années 50 qui fait qu'effectivement on a eu une poldérisation de ces zones. Et je crois qu'il y a une prise de conscience parce que l'argument qui était avancé en disant si on avait gardé la mangrove, eh bien ça aurait permis d'arrêter le tsunami, en tout cas d'atténuer les effets du raz-de-marée. Oui. On peut rediscuter justement sur ces questions-là. Parlons-en maintenant, puisque vous l'abordez. Parce qu'effectivement, on sait que la mangrove a un effet qui est un effet mécanique, hein, qui est tout à fait estimé, que vous décrivez très bien, sur les fortes marées, sur les événements climatiques importants, que ce soit des tsunamis pour les plus extrêmes, ou des ouragans, des cyclones. Il y a de facto, on sait que 200 mètres de mangrove peut arrêter vraiment jusqu'à 75% de vagues qui sont des vagues trop importantes, oui, ou voilà, trop violentes. On estimait que une présence de mangrove, un rideau de mangrove bien constitué, solide, en bon état, en bonne solide, santé, etc., ouais, sans percer, sans trou, etc., a baissé, disons, l'énergie des vagues de la houle de 20 à 30%. Ce qui est important, mais évidemment, ça n'arrête pas totalement le grand tsunami qu'il y a eu en 2004, je crois, oui, en Indonésie, plusieurs mètres de dans la province d'Aceh, là, au nord, oui, de l'Indonésie, des vagues de 20 mètres de haut, où là, évidemment, la mangrove ne pouvait rien. Mais on a constaté, effectivement, que dans les zones où la mangrove était intacte, les dégâts, si on peut employer ce mot, étaient sensiblement atténués. Alors après, il y a eu des discussions. On a dit que c'était atténué, oui, mais évidemment, mais il y avait de la mangrove, ça veut dire qu'il y avait moins de population, donc évidemment, il y a moins de victimes. Mais quand même, on sait que globalement, la mangrove a un rôle important de, relatif, mais important de protection. Et puis ça se comprend intuitivement, hein. Et puis ça a été mesuré, hein, l'énergie de la houle, des vagues, on peut mesurer son atténuation. On parlait de l'enchevêtrement des racines, des troncs, etc. On comprend bien que les vagues vont se casser sur ces système racinaire et sur ces troncs denses souvent, et donc l'énergie derrière ce rideau d'arbres va être atténuée, et donc les populations qui se trouvent derrière seront en partie protégées. Je rebondis sur ce que tu as dit, oui. Tu dis une mangrove en bon état, je pense que c'est très important de dire ça, oui. Et parce qu'effectivement dans beaucoup de pays on est en train de mettre en place une muraille verte, pour effectivement aux Philippines ailleurs, et je pense que c'est très important dans toutes ces politiques, dans toutes ces gestions, c'est effectivement pas simplement une question de couvert végétal, de couvert boisé. Ce qui est important aussi, c'est la qualité de ces boisements et donc et leur diversité. Donc effectivement, et leur intégrité. Là, voilà. Donc ça suffit pas d'avoir effectivement de reboiser avec une seule espèce. Très important, c'est qu'il y ait une diversité d'espèces et différents degrés de maturité. Effectivement, les mangroves, il y a des mangroves jeunes, il y a des mangroves vieilles. Et donc le bon état, effectivement, on va dire, pour faire simple, tu compléteras François, c'est la diversité interspécifique, et effectivement, donc voilà, c'est pas uniquement une question de quantité, mais de qualité aussi de ces peuplements de palétuviers. C'est important parce que c'est ce que vous expliquiez tout à l'heure, François Fomard, en disant des plantations de palétuviers. Plantations de palétuviers, ça ne fait pas une mangrove. Exactement. Et il y a des pays qui ont essayé de replanter les palétuviers, ça ne fonctionne pas si bien qu'on le souhaiterait. Voilà, ça fonctionne un peu, mais pas complètement. À une certaine époque, une dizaine d'années ou plus, des grandes politiques de reboisement de la mangrove dans le cadre des compensations carbone, sachant que la mangrove avait on le disait tout à l'heure, une productivité importante, stockait des biomasses importantes, donc des quantités de carbone relativement importantes. Donc, dans le cadre des compensations carbone pour les grandes entreprises, les grandes structures, etc., les palétuviers pouvaient être une solution. La plantation de palétuviers pouvait être une solution pour ce problème. Alors souvent on a fait des plantations sur des centaines, des milliers d'hectares, hein, en Asie, en Afrique de l'Ouest, en Afrique de l'Est aussi. On plante souvent une seule espèce, le rhizophora, le palétuvier rouge dont on parlait tout à l'heure. Pourquoi ? Parce que il est facile à planter, il développe des fruits, des propagules, espèces de fruits de forme de fuseau là qui se plantent dans la vase, qui poussent très rapidement. Donc c'est facile, on en trouve, il y a une grande production de ces fruits, on les plante facilement. Et il semble, c'est vrai, il pousse rapidement, il s'enracine et il pousse rapidement. Il pousse rapidement, il pousse bien la première année, la deuxième année, la troisième année, mais après, souvent, si on revient cinq ans après, ces grands projets de reboisement, ces grands programmes de reboisement qu'on qualifiait de réussite, si on revient quelques années, quatre ans ou cinq ans après, si on regarde à moyen terme, on s'aperçoit que souvent, il y a des échecs et des échecs dramatiques. Et pourquoi? Parce qu'on a replanté de la mangrove là, peut-être où il n'y en avait pas, où l'hydrodynamique est essentielle pour l'implantation de la mangrove et pour son développement. L'hydrodynamique a été perturbée par un déplacement de bancs de vase, de bancs de sable, de digues, etc. Et donc, on a replanté de la mangrove où les conditions hydrodynamiques n'étaient pas compatibles avec son développement. Et on a planté souvent des espèces à des endroits où elles n'auraient pas dû être plantées. Parce qu'on a dit qu'il y a peu d'espèces en mangrove, mais chaque espèce a une auto-écologie particulière. Certaines sont en fond de mer et supportent une submersion importante. D'autres sont en milieu de mangrove et d'autres sont en arrière mangrove. Et il faut respecter cette auto-écologie. Et souvent, on n'a pas fait ça quand on a fait ces grandes replantations. Marie-Christine Cambisalem, vous disiez tout à l'heure au début de l'émission que vous étiez moins pessimiste sur l'état ou sur le recul de la mangrove quand on voit ces tentatives de repeuplement, de reboisement qui sont assez ratées, qui ne fonctionnent pas aussi bien. Ça veut dire que tout n'est pas perdu, mais qu'il faut être plus attentif, qu'il faut mieux replanter, qu'il faut replanter en connaissant mieux l'état de la mangrove initiale et en essayant de la replanter de façon plus complexe que ce qui a été fait jusqu'à présent. Alors je soulignerai, il y a en fait deux questions. La première question, c'est de savoir quelle est la dynamique actuelle spatio-temporelle de la mangrove et à quelle échelle. Et je pense qu'il n'y a pas, on l'a dit, hein, il n'y a pas une mangrove, il y a des mangroves. Et que le discours domino actuel, c'est de dire qu'il y a un recul irréversible, inéluctable de la mangrove. Et ça, c'est faux. On sait qu'il y a des zones, effectivement, où actuellement, il y a une progression de la mangrove. Comme par exemple? Par exemple, en Afrique de l'Ouest. Par exemple, en Guinée-Bissau et en Casamance, il y a une progression de la mangrove. En Indonésie, mon collègue Christophe Poisy montre qu'effectivement, il y a une progression de la mangrove. Il faudra expliquer pourquoi il y a cette progression de la mangrove. Donc ça, c'est le premier point. Je pense qu'il faut faire un état des lieux actuels, parce que je pense que les chiffres s'autocitent et qu'on chiffre toujours les sites des années 70-80. Mais on est en 2018. Et en 2018, effectivement, je pense qu'il n'y a pas... on manque de données actuellement fiables pour savoir quel est effectivement l'état actuel de la mangrove. Et il faut effectivement contextualiser. Donc ça, c'est le premier plan. Avoir un diagnostic fiable et actualisé de la dynamique spatio-temporelle des mangroves. Alors, juste avant d'arriver d'aborder le deuxième point, que justement, à fois approfondissons un peu, qu'est-ce qui explique la progression de la mangrove dans les zones que vous venez de citer? Dans les zones d'Afrique d'Ouest, la mangrove a beaucoup reculé du fait, dans les années 70-80, on l'a dit, il n'y a pas d'aquaculture, mais à cause de la péjoration climatique. Et donc, actuellement, on constate effectivement un retour relatif des puits, donc une progression de la mangrove. Et la mangrove progresse parce que, on parlait de socio-écosystèmes, ce qui est très un des paysages emblématiques de cette zone-là, ce sont des rizières qui ont été effectivement conquis, alors on dirait au détriment de la mangrove, mais qui sont des rizières de mangrove qui font en fait qui sont le patrimoine des populations et actuellement pour différentes raisons, notamment à cause de la péjoration climatique, notamment à cause de l'exode rural et du manque de main-d'œuvre pour entretenir les digues qui protégeaient ces rizières. Ces rizières ont considérablement reculé et il y a une recolonisation naturelle de ces mangroves. Ce qu'il faut savoir, c'est quand les conditions sont réunies, à la fois en termes d'eau, de salinité, de température, qu'il y a des circulations de l'eau, la mangrove, elle est robuste, va reprendre ses droits. Il faut effectivement, alors ça c'est un point aussi très important, qu'on redécouvre aussi toutes les solutions basées sur la nature. Il me semble qu'il y a un consensus où on dit il ne faut pas vouloir absolument reboiser des palétuviers, mais il faut restaurer les conditions d'une régénération naturelle de la mangrove. Bon, ça, je pense qu'il y aura un certain consensus sur ça. Alors, à côté de ça... Le deuxième point, là, je serai beaucoup plus critique à la fois sur les effets en termes de... Effectivement, sur la biodiversité en termes écologiques de ces plantations qui sont de la monoplantation sylvicole. Je serai beaucoup plus critique à la fois du point de vue économique et du point de vue social. Alors, d'abord, du point de vue économique, bon, il faudrait savoir aussi, beaucoup de collègues, c'est pas ma spécialité, remettent en cause aussi la façon dont les métriques, pour calculer la séquestration du carbone. Mais le marché du carbone, on parle plutôt de marché du CO2 évité, c'est un marché fictif. Et surtout, là, moi, j'insisterai sur le fait... Un marché fictif, juste pour vous préciser ça. C'est un marché de papier. Voilà. En fait, c'est un marché de papier. C'est ça, c'est-à-dire qu'on dit, là, on va implanter tant d'industries qui vont produire tant, et donc, il faut qu'on en enlève tant, et tout ça effectivement, voilà, est sur des quantifications qui sont très théoriques. Oui, c'est, voilà, c'est ça que vous voulez exactement dire. Exactement. Voilà. C'est encore une fois, le mécanisme qui a été mis en place en 2008, qu'on appelle RED+, qui est ce mécanisme de réduction des émissions de gaz à effet de serre en lien avec la déforestation et la dégradation de la forêt, est un mécanisme international qui a été mis en place dans le cadre des accords du changement climatique. Et c'est vraiment un discours dominant, il faut reboiser des palétuviers pour séquestrer du carbone. Le gros problème, c'est qu'en fait, qu'est-ce qui va reboiser des palétuviers? Pour schématiser, ça va être des entreprises du Nord qui vont effectivement, pour compenser leurs émissions de gaz à effet de serre, vont reboiser dans les pays du Sud. Alors je dis, c'est un gros problème parce que outre le fait que la plupart de ces reboisements, de ces grandes campagnes de reboisement, se sont soldées par des échecs, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment recolonisation de la mangrove parce qu'on n'a pas forcément replanté là où il aurait fallu replanter avec les méthodes qu'il fallait replanter. Il y a des problèmes de iniquité sociale très forte puisque les zones, par exemple, on va reboiser, tu l'as dit, pas toujours là où il fallait, pas toujours là où il y avait avant de la mangrove. Ouais. On va replanter des vasières. Alors je reviens sur ma boue, c'est ma vasière, qui sont exploitées traditionnellement par des femmes qui vont ramasser des coquillages. Et il faut savoir que ces espaces, ces vasières qui sont reboisées dans le cadre de ces mécanismes ne sont plus accessibles pour ces femmes et qu'elles ont un bail emphytéotique pour une durée de 30 ans, voire plus. plus entre les mains d'entreprises privées, alors souvent du Nord, au détriment des populations du Sud, qui effectivement n'ont non seulement n'ont pas été partie prenante de ce processus, on ne les a pas concertés, on a absolument fait fi de leur savoir-faire, mais où il y a un processus d'accaparement de terres. On parle beaucoup de land grabbing, d'accaparement des terres, mais là, il y a vraiment un processus d'accaparement des terres, et puis de marginalisation de ces populations qui dépendent quand même de ces ressources. Et donc là, il y a un phénomène d'injustice, d'iniquité environnementale qui est évident. Alors, effectivement, il faudrait aussi discuter sur la légitimité. Alors là, c'est plus écologique de ces reboisements. Et donc, je suis d'accord avec cette vision critique du système RED+, évidemment. Ce qui reste vrai quand même, c'est que la mangrove stocke des quantités de carbone importantes. Et si on détruit les mangroves, on remobilise des quantités de CO2 extrêmement importantes. On considère que 15% du carbone dissous dans les océans a un lien direct avec la mangrove, par exemple. Donc c'est important. Et quand on sait qu'aussi le cycle du carbone global, au niveau global, 80% de ce cycle a un lien direct avec les océans aussi. Donc on voit que la mangrove, ce qu'il faut aussi peut-être avoir en tête, c'est un écosystème rare sur la planète. Hein, c'est 1% de la surface de la planète. Il est rare, mais il repose 75% des côtes tropicales. Voilà. Donc, il a une position d'écotone essentielle hein, dans une zone dynamique, une zone d'échange entre terre et océan, entre îles et lagons, entre lagunes et estuaires, etc. Donc il a une situation, une position extrêmement importante. C'est un écosystème rare, mais qui est dans une position extrêmement intéressante pour ce qui est des grands équilibres globaux, également pour le cycle du carbone. Donc c'est vrai que si on détruit les mangroves, on va libérer des quantités de carbone importantes, carbone contenu dans la partie aérienne des plantes et dans la partie souterraine des sédiments. Et donc les vasières aussi. Et dans les vasières aussi, voilà. Oui. Peut-être est-il important, puisque vous l'abordez, Marie-Christine Cormier-Salem, de parler justement des interactions entre les populations locales et la mangrove. La mangrove qui est très, vous l'avez dit, pas seulement pour les Occidentaux, très inhospitalière. C'est aussi parce qu'elle est inhospitalière que certaines espèces animales qui sont pourtant menacées ou en voie de disparition, comme le tigre du Bengale au Bangladesh qui vit et qui survit dans la mangrove parce que ça n'est pas un territoire de chasse. C'est aussi le vrai pour les nazis qui abordent Néo, c'est aussi vrai pour les lamantins qui sont, je veux dire, cet aspect très compliqué, très complexe, très difficile d'accès, est aussi un garant de protection contre les activités humaines. Néanmoins, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas d'activité humaine autour de la mangrove. Est-ce que vous pouvez nous expliciter ça? Les mangroves ne sont pas du tout considérées comme inhospitalières par les populations qui vivent dans les mangroves. Ça, c'est un point de vue extrêmement occidental. C'est un point de vue extérieur qui est considérant que les mangroves sont inhospitalières. Au contraire, pour les populations qui habitent les littoraux, la mangrove, comme les lagunes, comme énormément de zones littorales, c'est un mangrove extrêmement hospitalier avec énormément de ressources à portée de la main. Donc on a, alors c'est très divers en fonction des zones et des contextes, encore une fois, des populations qui vivent vraiment dans la mangrove en permanence. Il y a, au niveau international, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a, l'exemple, c'est l'Afrique de l'Ouest, où il y a effectivement des populations qui habitent. Alors, et c'est quelque chose de très ancien, puisque les premiers navigateurs portugais qui arrivent fin du 15e siècle décrivent déjà cette mangrove qui est densément peuplée et aménagé et utilisé par les populations. Certaines régions du Brésil, du Nord-Brésil aussi. Alors, encore plus anciennement, il y a les amas coquillers qui sont vraiment un témoignage évident de la précocité finalement du peuplement des littoraux et de l'utilisation des ressources de la mangrove, notamment des coquillages et des huîtres. Donc, ils datent de plus de 2000 millénaires, voire plus avant, et qu'on retrouve à peu près partout dans les zones de mangrove. Donc, ils montrent que les littoraux à mangrove ont été parmi les zones les plus anciennement peuplées, utilisé, sans parler de toutes les relations de cabotage, de transport et de donc. Alors, c'est vrai que dans beaucoup de régions du monde, la mangrove, elle n'est pas habitée en permanence et elle est surtout le fait de populations semi-nomades qui en utilisent les ressources sans avoir construit effectivement un habitat permanent. Mais bon, moyennant quoi, effectivement, ce qui est intéressant, c'est de voir cette diversité des interactions entre les populations et les mangroves. On présente souvent aussi les mangroves comme un habitat refuge. Alors c'est vrai qu'au moment de la traite des esclaves, il y a énormément de noirs, marrons, qui se sont réfugiés dans la mangrove parce qu'elle permettait, comme vous disiez, de se protéger des attaques extérieures. Mais ce qui est important, c'est qu'on ne peut pas avoir une vision unilatérale et qu'il y a encore une fois des zones de mangrove qui sont densément peuplées. François Fromard, sur cette question. Oui, c'est exact. On disait tout à l'heure, on ne va pas parler de la mangrove, mais des mangroves, et c'est vrai aussi pour l'occupation humaine. Et il y a des contrastes qui sont frappants. Par exemple, si on va dans la région côtière amazonienne, au nord de l'Amazone, en Guyane, on va en mangrove, il n'y a personne. Et on dit que la Guyane et le Guyanais tournent le dos à sa mangrove. Il n'y a personne, les gens évitent. Et pour eux, au contraire, c'est un milieu hostile qui est en face de la ville de Cayenne où des mangroves se développent et disparaissent naturellement. Et les autorités locales n'ont de cesse que de couper la mangrove pour avoir une vue sur la mer et pour éloigner les moustiques, etc. Et tenter d'éloigner la vase, ce qu'on n'arrive pas à faire. Mais bon, c'est une autre question. Si on va un peu plus au sud, au Brésil, dans l'état du Pará, par exemple, alors la structure de la côte est différente, elle est plus stable, elle est différente, il y a des chenaux, des rias, etc. Et là, effectivement, il y a des villages quasiment dans la mangrove, il y a toute une vie. Il y a des ramasseurs de crabes, il y a des pêcheurs, il y a des gens qui exploitent le bois. Donc là, dans deux régions très proches l'une de l'autre, mais avec des dynamiques, des contextes écologiques quand même très différents, on voit que l'occupation humaine, d'un côté, il y a une forte occupation humaine, et de l'autre côté, actuellement, il n'y a personne. Voilà, donc il y a des... Et donc, on peut trouver ce genre de contraste dans de nombreuses régions du monde. Ouais. Pour conclure, puisqu'on arrive dans les dernières minutes de cette émission, aujourd'hui, alors on entend une sorte de constat un peu distinct d'une part et d'autre. Que faut-il penser aujourd'hui de l'état de préservation de la mangrove ? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une spécificité, une prise de conscience internationale de la protection et de l'importance de protéger ces écosystèmes, tant pour la protection des côtes que pour les ressources en pêche, la production de biomasse, les puits de carbone, bref, pour l'ensemble de la contribution écosystémique de la mangrove, ou est-ce que ça reste encore comme on peut parler de la forêt tropicale, parce qu'on avait fait ici même une émission sur la forêt amazonienne, une zone de non-droit qui est exploitée à la va comme je te pousse par les différentes structures étatiques, locales, privées qui peuvent y avoir accès. Oui, on a pris conscience de l'importance de la mangrove, j'allais dire presque au niveau scientifique, mais aussi au niveau du grand public, etc. Depuis une vingtaine d'années à peu près, on va dire une quinzaine d'années. Avant la mangrove, personne ne savait ce que c'était. Et puis, je sais pas, il y a des médias. Je sais pas, certaines personnes, quand je parlais de mangrove, me disaient « Ah oui, je l'ai vu dans Thalassa. » Voilà, il y a des gens, des flashs comme ça. Il y a quelques... Voilà. Faudra un jour quantifier la contribution écologique de Thalassa. Conscience écologique collective, en tout cas en France. Bah, oui, bah, les gens ont des images. Voilà. Donc la mangrove... Maintenant, on sait ce que c'est, les décideurs, les gens qui prennent des décisions, les élus, etc. Dans les régions directement concernées par la mangrove, on parlait des régions ultramarines françaises, par exemple, la mangrove est protégée. Il y a le Conservatoire du littoral qui gère ces mangroves. Il y a l'UICN, l'Union internationale de conservation de la nature, qui s'en occupe. Il y a un tas de structures, il y a des réserves, etc. Donc la mangrove a un statut maintenant quand même différent et on ne détruit pas la mangrove impunément dans ces régions-là. Pour les pays qui sont sensibles à la question écologique, et la préservation de l'environnement, est-ce que c'est aussi vrai dans des pays qui sont plus en voie de développement et pour qui la question écologique n'est pas au centre des priorités, Marie-Christine Cormier-Salem ? Alors moi, je vais dire d'abord que y a les populations qui vivent et dépendent de la mangrove pour leur existence sont les premiers à être intéressés à sa préservation et sont les premiers à avoir mis en place des règles, à reboiser les mangroves, à mettre en place des systèmes de régulation de l'accès aux ressources. Donc il ne faut pas oublier toutes ces mesures qui sont portées par les communautés locales. Il y a énormément d'espaces protégés, d'air protégé. Actuellement, je dirais que ce qui est intéressant, c'est toutes les actions innovantes où on voit qu'il y a ce qu'on appelle, on fait de la co-gestion, du co-management à partir où s'associe. Donc effectivement, il y a beaucoup de mangroves qui font l'objet de protection, donc de réserves de biosphère, de parcs nationaux. Et donc on a vu aussi les échecs de ces démarche très top-down et donc actuellement très verticale. Et donc actuellement, ce qui est de plus en plus porté à la fois par les différents acteurs au niveau local, international, voire national, c'est effectivement d'avoir une approche intégrée de la mangrove. Donc de ne pas survaloriser un comportement de la mangrove, comme justement la forêt de palétubie pour produire le carbone, mais de prendre en compte tous les comportements de la mangrove, donc d'avoir une approche vraiment intersectorielle et bien évidemment d'associer, voire de faire ce qu'on appelle des démarches participatives où ce sont les acteurs locaux qui sont directement concernés par la conservation de la mangrove qui soient aussi au cœur de ce dispositif. Très bien, mec, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup à tous les deux. Merci François Fromard, merci Marie-Christine Cormier-Salem. Pour en savoir plus, je vous recommande la lecture de ce très bel ouvrage publié aux éditions Cherche Midi en partenariat avec le CNRS, Mangrove, une forêt dans la mer, ouvrage collectif, où il n'y a pas que des belles photos, mais aussi des textes qui vous permettent de mieux comprendre la complexité de la gestion et de l'origine de cet écosystème très vaste qu'est la mangrove. Encore une fois, merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique Antoine Beauchamp, Emina Guetzin-Vulfran, Sarah Ijmans, Eve Etienne, Céline Lezen, Lise Combe aujourd'hui à la réalisation, Jean-Guilain Meige à la technique. Dans un instant, c'est la suite de vos aventures comme chaque jour, la série documentaire. Cette semaine, une très belle série que, comme amoureux de la mer, on vous conseille vivement. C'est la série Marin par Arnaud Contreras, réalisée par Guillaume Baldi. Aujourd'hui, l'épisode du jour, Femme de mer, Femme de marin. Tout à l'heure, ce sera à 18h20 du Grain à Moudre. Peut-on faire des infidélités à la loi? C'est la question que posera Hervé Gardette à ses invités. Pour ce qui nous concerne, eh bien demain, nous parlerons de l'apprentissage du code informatique. Les nouvelles générations doivent-elles devenir bilingues français code pour pouvoir exercer un contrôle sur les logiciels, sur les algorithmes qui se généralisent? Passe ton code d'abord. Ce sera demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.